Exercice 11B, page 131. Sans plus attendre, la météo de ce week-end, Léa Minot. Enfin, nous aurons un assez beau week-end. Fini le vent, la pluie et le froid, place au soleil. Aujourd'hui, samedi, le temps sera doux avec encore quelques nuages sur la partie nord du pays. Il ne pleuvra pas, sauf sur la Normandie et la Bretagne en fin de journée. Les températures, 18 degrés à Paris, 17 degrés à Lille et 24 à Marseille. Demain, même type de temps, mais il ne pleuvra pas. Il y aura un beau soleil sur toute la partie sud du pays. Petit à petit, les nuages vont disparaître partout et dans quelques jours, il fera très beau et même très chaud sur l'ensemble du pays.